je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. C'est Manuel de Ludologie. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, puisque si c'est bien Adrien qui l'anime, cet épisode a été enregistré dans un cadre un peu différent. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avions diffusé les conférences du Stonefest 13e édition l'été dernier. Eh bien, comme nous avons participé aux mêmes conférences de cette 14e édition au mois de mai 2018, nous avons quelques entretiens dont nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de vous les partager en première instance. Et puis, bien entendu, on diffusera l'ensemble des tables rondes et des rencontres au cours de l'été, comme nous avons pu le faire l'été dernier. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse avec Adrien, qui rencontre Nicolas Besombe pour parler sport et e-sport et jeter une lumière nouvelle sur ce qu'on considère aujourd'hui comme la pratique e-sportive. Eh bien, bonjour et merci beaucoup d'être venu. Et donc, bienvenue peut-être si vous venez d'arriver à cette 14e édition du Festival Stonefest, festival autour des cultures du jeu vidéo, pour faire très large. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une culture assez particulière et qui est la culture, comment dire, traditionnelle au sein du Stonefest, puisque Stonefest, c'est à la base tout de même un tournoi de quoi ? De versus fighting et donc de e-sport, parce qu'effectivement, c'est de ça dont on va parler pendant ces 45 minutes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un petit échange d'introduction avec l'invité du jour, et après, on va pouvoir élargir la parole et si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous faire un petit coucou de la main. On vous passera le micro avec grand, grand plaisir. Et peut-être pour commencer, je vais laisser Nicolas se présenter. Alors, je devrais t'appeler docteur, je crois, non ? On n'est pas obligé. Ok, ça m'arrange, je t'avoue. Nico sera très bien. Très bien. Donc, je m'appelle Nicolas Besombe. Je suis effectivement titulaire d'un doctorat en sociologie du sport de l'Université Paris-Descartes. Mes thématiques de recherche portent principalement sur les liens entre le sport et l'e-sport, de manière, on va dire, très générale. Et depuis juin 2017, je suis vice-président d'une association qui s'appelle France e-sport, qui est une association qui a été créée au moment de la loi République numérique en avril 2016. Et cette association qui a été donc créée sous la bienveillance du secrétariat d'État chargé au numérique à l'époque, qui était Axel Lemaire et aujourd'hui Mounir Majoubi, qui a comme mission principalement de promouvoir et de structurer la pratique e-sportive à l'échelon national. Et donc cette association est l'interlocutrice principale avec les pouvoirs publics sur toutes les questions qui concernent l'e-sport, que ce soit bien évidemment le secrétariat d'État chargé au numérique, mais également le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'intérieur, le ministère du travail et toutes les collectivités territoriales, les communautés de communes et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, il y a énormément d'actions qui sont engagées par l'association pour essayer de structurer cette pratique. On creusera un petit peu plus tard justement cette loi qui est passée, qui a fait bouger beaucoup de lignes, on va le voir. Avant de commencer, prendre le sujet sur le sujet du jour qui est pratique de l'e-sport, place du corps et aspects sociaux. C'est quoi l'e-sport ? Est-ce que si je joue avec mon flipper, c'est de l'e-sport ? Disons que pour les personnes qui pratiquent l'e-sport, qui connaissent bien le phénomène, ça paraît assez évident. Mais de manière générale, ce que je remarque, c'est qu'il y a encore des confusions sur ce qu'est l'e-sport. Il y a deux grandes confusions assez récurrentes. La première, c'est de penser que l'e-sport, c'est la pratique des jeux vidéo qui simulent le sport, qui simule des pratiques sportives réelles existantes, comme le football avec FIFA, comme le basket avec NBA 2K, comme le hockey sur glace avec NHL, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, l'e-sport est perçu par ces gens-là comme un genre vidéoludique, celui des simulations sportives. Et puis la deuxième confusion qui est assez récurrente aussi, c'est de penser que cette appellation e-sport, ça concerne les jeux dans lesquels le corps du joueur et notamment sa motricité n'est pas seulement réduite aux membres supérieurs, c'est-à-dire aux bras, et c'est tous les jeux qui engagent le corps dans sa totalité, et c'est principalement les jeux à détection, enfin sur les consoles à détection de mouvement comme la Wii, la Kinect et la Move. Et dans ce cas-là, les gens perçoivent l'e-sport comme étant principalement, enfin l'associent à une plateforme qui sont ces consoles à détection de mouvement. Et ces jeux-là, on va plutôt les appeler des exergames, contraction de exercise et games, c'est-à-dire les jeux dans lesquels on fait de l'exercice. La réalité, en fait, elle est assez différente. C'est que l'e-sport, en fait, c'est une forme de pratique spécifique du jeu vidéo. Et c'est, pour le, on va dire, une définition assez large, c'est-à-dire que c'est toutes les formes de pratiques qui permettent à des joueurs de s'affronter par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. Et ces formes de pratiques, enfin, ces formes d'affrontement peuvent être soit des duels d'individus, comme on voit au-dessus, donc c'est une image qui est tirée du Red Bull Kumite, qui est une compétition de jeux de combat, de versus fighting, sur un jeu qui s'appelle Street Fighter en l'occurrence. Et donc là, c'est deux joueurs qui s'affrontent, ou alors plutôt des duels d'équipe, comme on voit en dessous, c'est une image qui est issue d'un tournoi sur League of Legends, qui est la locomotive entre guillemets de l'e-sport, et où là, c'est deux équipes de cinq qui s'affrontent. Et puis il y a une nouvelle modalité qui est apparue très récemment avec les Battle Royale, qui est, où on voit cette fois-ci des dizaines et des dizaines de joueurs, voire des dizaines d'équipes qui s'affrontent sur une map, sur une carte, et la dernière équipe survivante l'emporte. Et de la même manière que le sport, finalement, se disperse en plein de disciplines, avec la natation, avec l'athlétisme, les sports de combat, les sports collectifs de petit terrain, de grand terrain, et ainsi de suite, eh bien, l'e-sport se disperse, lui aussi, en une multitude de disciplines. Vous avez effectivement des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux de tir, des jeux en arène de combat, qu'on appelle les MOBA, les jeux de stratégie en temps réel, les jeux de rôle, des jeux de cartes, des jeux de réflexion, des jeux de course automobile, et puisque on appelle le super play en solo, dont le Stunfest est certainement l'un des événements qui le met le plus en valeur, et de la même manière que dans le sport, chacune de ces disciplines se disperse en plein d'épreuves. Si je prends le cas de l'athlétisme, eh ben on va avoir les courses, les lancers, les sauts, et même dans les courses, on va avoir le fond, le demi-fond, le sprint, et ainsi de suite. Eh bien, on voit que ces différentes disciplines e-sportives se dispersent en une multitude et une multitude de jeux qui peuvent être pratiqués de manière compétitive. Et ce qui devient intéressant, c'est de regarder que, en fait, les jeux de sport, les jeux de simulation sportive, ne sont qu'une infime minorité parmi l'ensemble de tous les jeux qui sont pratiqués de manière compétitive, de la même manière que les exergames qu'on va retrouver ici avec Just Dance par exemple, qui est pratiqué de manière compétitive, et bien finalement c'est une toute petite partie de tout cet ensemble. Et enfin, de la même manière que le sport, on peut le pratiquer de manière compétitive ou de manière de loisir, et bien l'e-sport c'est un petit peu la même chose, on peut le pratiquer de manière très ludique chez soi. Si par exemple tous les deux on faisait un FIFA tous les deux ou une partie de Street Fighter en local comme ça, on serait dans une pratique de loisir. On ne s'inscrit pas à une compétition mais on est déjà en train de s'affronter. Et puis après on va avoir une vraie pratique compétitive. Cette fois-ci on va faire la démarche de s'inscrire à des compétitions et la démarche d'affronter d'autres gens et de se faire classer parmi d'autres gens en fait. Et donc là on va avoir une pratique amateur qui ne permet pas de vivre de cette pratique-là, c'est-à-dire même si on gagne quelques gains financiers, ça ne permet pas finalement de pouvoir en vivre régulièrement. Et une pratique professionnelle qui cette fois-ci permet normalement d'en vivre. Les joueurs sont soit salariés par des structures internationales qui sont elles-mêmes sponsorisées et ainsi de suite, soit les joueurs font des prestations de services auprès de ces différentes structures. Puis il y a une dernière pratique qui est transversale à ces trois premières pratiques, qui est ce que moi j'appelle une pratique de spectacle, qui correspond au streaming, et elle est transversale parce qu'un joueur de loisir peut streamer, un joueur amateur compétitif peut streamer, et un joueur professionnel peut aussi streamer. Donc voilà un petit peu pour définir ce qu'est l'e-sport. Et rapidement, pour essayer de montrer un petit peu cette historicité, parce qu'on a, pour le grand public, l'e-sport paraît très récent. C'est lié notamment à l'apparition des plateformes de diffusion et de rediffusion comme Twitch, YouTube Gaming et ainsi de suite, qui sont apparues au début des années 2010. Et effectivement, c'est ce qui a permis la popularisation et la massification. Mais en fait, le fait de s'affronter par l'intermédiaire du jeu vidéo remonte aussi loin que la création des premiers jeux. Dans la première trace de compétition qu'on a, elle date de 1972 sur un jeu qui s'appelait Space War. Et ça se passait principalement dans les laboratoires de recherche nord-américain. Et puis pendant les années 70, ça a été les jeux d'arcade principalement, où on avait des affrontements différés par high score interposé. Donc c'était les éditeurs qui organisaient des grands tournois sur des tournées sur un continent par exemple, avec le All Japan TV Game Championships, le National Space Invader Championships, le Pac-Man Tournament et ainsi de suite. Et puis avec les années 90, est apparu l'ordinateur et surtout la massification des connexions personnelles d'Internet. Et c'est là où l'e-sport est rentré dans sa phase de structuration et de modernisation. Et c'est là où l'e-sport tel qu'on le connaît aujourd'hui a démarré avec deux tournois principalement, le Red Annihilation et The Frag en 97 pour la partie occidentale et pour la partie orientale en Corée du Sud, plutôt vers 99 avec un événement qui s'appelait le Tooniverse Pro Tournament. Donc voilà un petit peu pour définir et montrer un petit peu ce qu'est l'e-sport. Tu as commencé à évoquer un peu l'histoire de l'e-sport. C'est vrai que moi, instinctivement, j'aurais vu peut-être deux moments qui ont relancé un peu la machine. Je pense qu'il y a eu les bandes d'arcade. Et le documentaire King of Kong est un super... super témoignage de cette époque. L'autre qui me vient à l'esprit, c'est Counter-Strike, qui a relancé l'e-sport. Est-ce que, justement, toi, tu as des infos là-dessus, sur l'histoire de l'e-sport ? Alors, ça, King of Kong, c'est déjà assez lointain, et en plus, bah, c'est plutôt aux États-Unis. Ouais. Mais Counter-Strike, il y a eu des grosses teams françaises très tôt, il me semble. Oui, tout à fait. Bah, donc à partir des années 90, effectivement, en Occident, parce que vraiment, il faut vraiment distinguer dans l'histoire de l'e-sport l'Occident et l'Orient. L'Occident, l'e-sport s'est développé en Occident grâce aux jeux de tir à la première personne. Donc un mode de Half-Life qui s'appelle Counter-Strike, effectivement. Les équipes nord-américaines et les équipes européennes ont très très tôt performé sur ce jeu-là. Des équipes françaises qui est assez connues comme AAA, notamment, qui a pendant très longtemps, en tout cas, été au plus haut niveau. Et tandis que sur le côté oriental, en tout cas en Corée du Sud, le développement de l'e-sport est plutôt lié aux jeux de stratégie en temps réel, ce qu'on appelle les RTS. Et cette fois-ci, c'est plutôt un jeu comme StarCraft, à l'époque, StarCraft, puis Brood War, son extension, et puis ensuite Warcraft 3, et ainsi de suite, qui ont démocratisé l'e-sport. Et donc, en fait, il y a vraiment un développement culturel de l'e-sport en fonction des zones géographiques, ce qui est très intéressant, puisque même aujourd'hui, on retrouve un petit peu ces différentes formes de pratiques culturelles, puisque de la même manière que dans le sport, on va par exemple dire que l'hémisphère sud, c'est plutôt le rugby, puis que les pays scandinaves, ça peut être plutôt les sports de neige et ainsi de suite. Et ben on va retrouver un petit peu la même chose dans l'e-sport, avec le Japon qui est plutôt réputé pour les jeux de combat, la Corée du Sud pour les jeux de stratégie, l'Europe aujourd'hui beaucoup pour les jeux de simulation sportive, par exemple comme FIFA, l'Amérique du Nord principalement sur les jeux de tir en première personne. Mais c'est pas pour autant que les autres pays et les autres zones géographiques ne jouent pas à chacun de ces jeux-là, et en tout cas à chacun de ces genres vidéoludiques-là, mais parfois pas sur les mêmes jeux. Par exemple, on a tendance à imaginer qu'en Asie, on joue très peu aux jeux de tir en première personne, parce qu'ils ne jouent pas à Counter-Strike, mais ils jouent à d'autres types de jeux en tir en première personne. Donc voilà un petit peu comment s'est développé un petit peu tout ça. Et j'imagine que là, la récente mode des Battle Royale a changé un peu les choses, puisqu'on voit un acteur comme Tencent qui a donc PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est un des premiers, et sans doute normalement l'étape marquante de ce mode de jeu, et Fortnite qui est actuellement sans doute le plus joué. On voit qu'il y a de gros enjeux du jeu de tir compétitif en Asie. Complètement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Fortnite n'est toujours pas sorti en Chine, par exemple. Donc aujourd'hui, en Asie, ils jouent principalement à PUBG, là où nous, en Europe, c'est Fortnite qui est en train de vraiment, on va dire, phagocyter tous les jeux de tir, parce que c'est vraiment un phénomène de masse, bien évidemment. Mais même l'histoire des Battle Royale, elle remonte bien avant PUBG. Il y a eu, bien évidemment, H1Z1 avant. Ouais, et Minecraft. Puis, et Minecraft, ouais. Surtout. C'est là les modes Hunger Games sur Minecraft qui ont, en tout cas, bien popularisé aussi le genre, quoi. On a vu un peu l'évolution en termes d'organisation presque sociale de l'e-sport. Il y a peut-être une autre évolution à creuser. C'est en termes de mode de jeu, tout simplement. Parce que c'est vrai que là, on a vu avec Space War, bon, on est plutôt sur une sorte de préhistoire du jeu vidéo. On est vraiment dans les premières années. Après, bon, avec l'arcade, on comprend un peu le phénomène du high score. Maintenant, c'est quoi les dernières évolutions en termes de gameplay ? Parce que je pense que, par exemple, quand un Blizzard arrive avec un Overwatch, jeu de tir à la première personne, ou un jeu de cartes comme Hearthstone, j'imagine qu'il y a des évolutions significatives qui poussent à l'e-sport. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est souvent fait d'accident. en fait, l'histoire de l'e-sport. C'est-à-dire que c'est souvent des détournements de la part des joueurs et que, historiquement, Counter-Strike, c'est un mode de jeu qui a été créé par les joueurs eux-mêmes. Aujourd'hui, League of Legends, qui est donc cette locomotive de l'e-sport dont on parle énormément, et ben finalement, en fait, c'est juste un mode de jeu de Warcraft 3 qui s'appelait Dota. Et on voit que c'est un peu des accidents et que les éditeurs, historiquement, n'ont pas forcément pensé à développer, à créer des jeux vidéo pour qu'ils soient pratiqués sous une forme e-sportive. Et c'est aujourd'hui, maintenant que l'e-sport est en train de connaître cette énorme popularité, qu'on voit qu'il y a une réflexion qui est effectuée en amont de la part des éditeurs. C'est le cas, bien évidemment, avec Fortnite. Alors, je dis en amont, mais c'est même pas tellement vrai, parce que c'est juste, il y a eu une reconfiguration de la part des studios de développement lorsqu'ils ont vu le succès qu'avait H1Z1 et PUBG, de se dire on va peut-être partir sur ce mode là je crois que c'est Call of Duty qui a annoncé hier sur le prochain qui aurait un mode Battle Royale et effectivement, donc en ce moment là vraiment aujourd'hui, au moment où on parle, les Battle Royale sont clairement le mode de gameplay qui est en train de révolutionner, entre guillemets, l'e-sport. Ce que n'avait pas connu l'e-sport, à mon avis, c'est mon analyse, depuis l'apparition des MOBA avec League of Legends, notamment. Juste avant le tournant des années 2010, donc League of Legends, Riot Games, c'est 2009. Et ça a été une première révolution qui a fait un petit peu tout évoluer. Ce qui, moi, je trouve, est assez encourageant, parce que ça montre bien qu'il y a encore plein de possibilités, finalement, et que rien ne nous dit que dans 5 ans, on ne va pas avoir des nouvelles formes de genre de jeu qui vont apparaître, des nouveaux gameplays qui vont apparaître, des nouveaux détournements qui vont apparaître et qui vont faire émerger, finalement, des nouveaux modèles compétitifs qui pourront peut-être perdurer. On a vu l'histoire. Déjà, on a déjà essayé de définir ce que c'est que l'été l'e-sport. On a vu un peu son histoire. Maintenant, essayons de voir les choses de manière un peu concrète, un peu pratico-pratique. Comment on joue de manière sportive, en fait ? Parce que, après, moi, c'est une théorie. Alors, tu me diras si tu la partages ou pas. Mais je pense qu'il y a des façons de jouer. On peut jouer de manière ludique, où on suit le jeu, on suit les règles, etc. On peut avoir une façon créative, dirons-nous, quand je pense notamment aux super players, aux speedrunners, etc., ou les gens qui font même des performances artistiques. Et la manière sportive, justement, comment elle naît ? Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est petit à petit en train d'évoluer, notamment avec cette période de popularisation qui est en train de connaître l'e-sport. Elle est couplée à une professionnalisation, à un vrai phénomène de professionnalisation de la pratique compétitive du jeu vidéo. Et donc, finalement, y a quand même des emprunts très forts au monde du sport sur la rationalisation des entraînements, de la façon de pratiquer. On a des matériels de pratique, donc c'est-à-dire des périphériques de contrôle qui sont créés pour justement faciliter l'optimisation de la performance. On ne pratique pas l'e-sport avec les mêmes périphériques de contrôle que ceux qui nous sont vendus directement lorsqu'on achète une machine. Mm-hmm. C'est pas les claviers, souris et manettes que je peux, par exemple, moi, utiliser, qui ne pratique pas l'e-sport particulièrement. Donc il y a une hyper-technologisation du matériel et qui va au-delà de ça, même jusque dans l'environnement, c'est-à-dire avec des chaises gaming qui sont adaptées pour avoir une posture qui soit la plus optimale possible pour éviter toutes les contraintes musculaires et avoir finalement la meilleure posture face à l'écran, des lunettes spécifiques pour avoir une fatigue visuelle et oculaire qui soit la moins importante possible, des écrans avec des latences qui soient les plus faibles possibles. Donc on voit qu'il y a vraiment cette hyper technologisation du matériel de manière générale. Et puis, comment est-ce qu'on pratique l'e-sport de manière très concrète ? C'est qu'on est à la recherche de performance. Donc, on va chercher à rationaliser constamment comment devenir le meilleur. Et ça nécessite de la répétition. C'est comme dans le sport. Eh bien, finalement, dans l'e-sport, il va falloir répéter, jusqu'à ce que, on va certainement en parler juste après, mais jusqu'à ce que finalement, on automatise des gestes et que finalement, on n'ait plus besoin de réfléchir à ce qu'on fait avec son corps pour pouvoir répondre aux stratégies de l'adversaire et libérer notre propre conscience de notre corps et pouvoir se concentrer sur ce qu'on va appeler le game plan, donc c'est les tactiques et les stratégies de l'adversaire, et pouvoir y répondre. Et dans l'idéal, un vrai joueur expert, il ne fait pas que répondre aux stratégies de l'adversaire, il essaie d'influer la stratégie de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il va essayer d'anticiper ce que son adversaire va anticiper de lui-même, et le but, c'est de faire croire à l'adversaire qu'il prend une décision qui lui paraît évidente, mais qu'en fait, c'est moi en tant que joueur qu'il est plus ou moins insufflé sans qu'il s'en rende compte. Oui, effectivement, il y a plein de vidéos sur YouTube, notamment d'analyse de pro-types pour pousser l'adversaire à la faute ou autre, effectivement. Et ouais, ça montre vraiment le besoin de s'entraîner pour savoir lire aussi l'information. C'est quelque chose d'assez important. Tu as parlé de répétition, d'entraînement. Et du coup, tu as aussi parlé d'équipement. Quelles sont les conséquences physiques et même mentales? Parce que, je ne sais pas, moi... Imaginons, si c'était mon métier, je jouerais 35 heures. Je pense que physiquement, je voudrais pas, je sais pas moi, je voudrais pas regarder la télé en rentrant à la maison. Oui, ça peut être effectivement assez fatigant pour le corps de manière générale de pratiquer de manière intensive, parce que c'est ça en fait. C'est de la même manière que on associe souvent le sport à la santé. C'est un peu une injonction institutionnelle en ce moment. Le sport, c'est forcément la santé. Moi, je travaille auprès de sportifs de très haut niveau, puisque je travaille également à l'INSEP, qui est le lieu qui rassemble tous les sportifs qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Et c'est le sport de haut niveau. C'est pas la santé. Une pratique intensive, ça crée des blessures sur le corps. Et donc, on a un petit peu la même chose en fait avec l'e-sport. C'est de manière générale, c'est pratiquer le jeu vidéo de manière intensive, c'est s'exposer à avoir des douleurs liées à la posture, donc avoir mal au dos, effectivement, avoir des douleurs cervicales, des douleurs scapulaires au niveau des épaules et ainsi de suite, qui sont liées vraiment à des effets posturaux, des inflammations au niveau du poignet et des doigts, un syndrome qui est assez récurrent, ou en tout cas qui est très médiatisé, ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien, qui est en fait une maladie qui pourrait, enfin une pathologie pardon, qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous, mais après 40 ans de travail en tant qu'informaticien à cliquer à être sur un poste informatique, sauf que ces joueurs-là, en l'espace de 2 ans, ils sacrifient tout leur capital médical, j'ai envie de dire santé, sanitaire, en l'espace de 2 ans, donc c'est assez compliqué. Bien évidemment, toutes les ampoules qu'on peut avoir sur les mains, mais aussi des maux de tête liés à regarder un écran pendant une période très, très longue, des persistances rétiniennes, des troubles de la vision, toutes les courbatures, des problèmes auditifs. Bref, il y a énormément, finalement, de conséquences sur le corps, et qui montrent bien déjà dans un premier temps en fait que le corps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est vraiment engagé dans la pratique du jeu vidéo. C'est-à-dire que on a cette idée que le corps du joueur, il est inerte, parce que finalement le jeu vidéo, il est peu propice à l'effort physique dans l'imaginaire populaire, et donc le corps serait inerte, il serait passif, il serait isolé du monde qui l'entoure, et donc forcément subordonné et aliéné à la machine. Et ça fait émerger deux conceptions de ce que peut être un joueur. C'est soit d'un côté le joueur robot, c'est-à-dire seulement un cerveau qui aurait avec un corps totalement prothèse, c'est le Ghost in the Shell de typiquement. Donc l'exemple dans la littérature, le cinéma de science-fiction, c'est Robocop. Clairement, c'est un cerveau dans un robot, quoi. Exactement. Et puis l'autre idée, c'est cette idée d'un pur esprit au corps atrophié. Et donc là, c'est plutôt l'exemple de Matrix, avec on se branche et puis c'est notre esprit qui se balade dans un univers. Ou par exemple HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ce robot qui est animé d'une conscience, et ainsi de suite. Et donc on a toujours cette idée que le corps est forcément aliéné dans la pratique du jeu vidéo, mais finalement ces blessures qu'on a commencé à évoquer, c'est une première intuition que le corps, finalement, il n'est pas absent de la pratique vidéoludique, et c'est ça qui devient intéressant. C'est marrant, parce que moi ça me fait penser à ce qu'on peut lire les retranscriptions de coups de matchs d'échecs, et Kasparov contre Karpov, où là on était face à des joueurs d'échecs professionnels avec un régime alimentaire et tout ça pour qu'ils soient aux meilleures conditions physiques. Ce qui, du coup, a fait penser et continue de faire penser que les échecs est un sport. Ce qui, et maintenant, on peut le comparer à l'e-sport, et c'est assez intéressant de voir ça. On a évoqué les limites du corps. Du coup, ça me fait tirer vers un autre truc qu'on voit très bien dans le sport, c'est le dopage et la triche. Ouais. Comment ça se traduit? Est-ce que ça se traduit, et comment ça se traduit? Alors effectivement, ça se traduit. On ne va pas le nier. Alors, le dopage, donc... Alors c'est très difficile parce qu'on a peu de témoignages dans l'e-sport. On ne sait pas, disons que les joueurs ne vont pas s'exprimer tout le temps ouvertement sur le fait qu'ils prennent des produits qui vont augmenter leur capacité. De manière générale, les témoignages qu'on a, c'est sur quelques scènes, c'est-à-dire sur quelques jeux, quelques genres de jeux, beaucoup sur les jeux de tir en première personne, comme Counter-Strike qu'on a évoqué. Et l'idée, c'est que c'est plutôt du dopage cognitif. C'est-à-dire que on n'est pas, comme on pourrait le voir dans le sport, sur un dopage qui va être biologique, physiologique et ainsi de suite, comme par exemple prendre de l'EPO dans le sport. Là, on est sur un dopage cognitif dans le but, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une pratique intensive de l'e-sport, notamment en compétition, les compétitions durent très longtemps. C'est-à-dire elles durent sur un week-end entier. Ça commence, bah, là, on est au Stunfest, on le voit bien. Depuis ce matin, 10h, les joueurs sont en salle en train de faire les phases de poule. Et puis, la compétition avance petit à petit, ils enchaînent les matchs jusqu'à tard ce soir encore, et puis demain ce sera les finales. Donc c'est éprouvant moralement, psychologiquement, et donc et ça demande une concentration extrême, très élevée pendant un laps de temps extrêmement long. Et donc les quatre dopages qui ont été révélés par les joueurs concernent principalement la prise d'amphétamine. Alors pas directement sous une forme en prenant de l'amphétamine sous le manteau, mais en fait il y a des médicaments qui sont utilisés pour traiter les troubles de l'hyperactivité chez les enfants. En France ça s'appelle la Ritaline, aux États-Unis ça s'appelle l'Adderall, et donc les propriétés de ces médicaments-là, c'est justement pour essayer de calmer ces troubles de l'hyperactivité et de faire en sorte que les enfants puissent être concentrés sur un temps le plus long possible. Ce sont des dérivés d'amphétamine, et donc les joueurs e-sportifs qui auraient utiliser ce genre de produit, en fait, les prennent justement pour avoir une concentration qui soit la plus élevée possible pendant le plus long laps de temps. Mais on a très peu de données parce que effectivement, c'est assez difficile de recueillir des témoignages sur le sujet à juste titre. Mais il y aurait beaucoup de recherches à faire sur le sujet. Et en plus, comme c'est très récent, j'imagine qu'il n'y a pas de contrôle antidopage. Si. Alors, depuis maintenant 4 ans, l'une des ligues professionnelles les plus réputées, qui s'appelle l'Electronic Sport League, ESL, avait créé un premier partenariat avec l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, qui a été la première à essayer d'émettre déjà une liste de produits dopants, parce que ça, on ne l'a pas précisé, mais pour parler de dopage, il faut qu'il y ait une liste de produits dopants. Parce que s'il n'y a pas de liste de produits dopants, j'ai beau prendre des amphétamines, personne ne peut me le reprocher vu que ce n'est pas interdit. Alors ils ont été les premiers à émettre une liste de produits antidopage et à faire des premiers tests. Puis aujourd'hui, il y a un organe indépendant de régulation et de contrôle et d'intégrité et d'éthique dans l'e-sport qui s'est créé, qui s'appelle l'E-Sports Integrity Coalition, l'ESIC en abréviation, et qui, elle, a émis une liste beaucoup plus importante et qui ne se charge pas que du dopage et qui ne se charge pas non plus que de faire des contrôles antidopage, mais aussi sur toutes les questions de match fixing, donc de paris truqués, et de cheating, toutes les formes qu'il peut y avoir de triche. Et donc, elle se veut l'organe régulatrice de toutes ces questions-là. C'est en train d'évoluer. Et les organisateurs d'événements créent des partenariats avec cette entité. Donc, toutes les compétitions ne sont pas soumises à cette réglementation-là. Mais celles qui font cette démarche-là, en tout cas, peuvent bénéficier de contrôles antidopage. On commence à l'évoquer, et justement, là, c'était ma prochaine question. On voit bien dans ce que tu dis que avec la professionnalisation, il y a une montée de la rigueur en fait et des exigences par rapport aux joueurs. Comment est organisé l'e-sport ? Alors comme ça, c'est un peu vaste, mais on va peut-être commencer d'abord par la France. Au niveau de la France, qu'est-ce qui existe ? Par exemple, voilà, je trouve que je suis pas trop mauvais, disons. Je ne sais pas moi, League of Legends ou Overwatch, j'en sais rien. Est-ce que vers qui je dois me tourner pour commencer à, comme le club de foot du quartier, quoi. Ouais. Alors le club de foot du quartier dans l'e-sport, il n'existe pas encore beaucoup. On a, en fait, c'est ça part de la pratique même de l'e-sport, qui est une pratique dématérialisée par essence, intrinsèquement, et qui ne connaît pas de frontières. Et donc, qui est une pratique qui s'est, contrairement au sport, le sport a émergé plutôt du local vers l'international. Les premières fédérations, elles étaient nationales, puis ensuite, elles sont devenues internationales. Avec l'e-sport, on a plutôt eu d'abord une structuration internationale. Et là, tout l'enjeu en ce moment, c'est d'essayer justement de faire descendre cette structuration au niveau national, puis au niveau local. Après, il y a des vraies spécificités selon les pays. Nous, en France, on s'appuie notamment dans le sport sur un tissu associatif, les clubs et les associations sportives. Aux États-Unis, on s'appuie plutôt sur le milieu universitaire pour pratiquer le sport. Donc on voit bien qu'il y a déjà des différences. En France, on jouit historiquement de l'un des plus grands circuits de LAN qui existe. Oui, j'allais y venir. Voilà, ouais. Donc les LAN, qui sont donc ces rassemblements de joueurs en présentiel sur un lieu physique pour Local Area Network. Et donc ces rassemblements, ils peuvent être soit organisés par plein de personnes différentes. Ça, en fait, il y a une vraie fragmentation, un vrai éparpillement des modèles qui existent d'organisation de compétition. On va avoir, par exemple, ça va être des communautés de joueurs qui vont se rassembler et qui vont avoir envie de pratiquer leurs jeux vidéo sous un modèle compétitif et qui vont organiser un événement. Par exemple, dans le jeu de combat, Kayane, qui est donc une joueuse qui est assez connue en France, qui organise régulièrement ce qu'elle appelle les Kayane Sessions. C'est pour les communautés de joueurs et c'est elle qui organise cet événement pendant une journée. Ensuite, on peut avoir des associations qui vont organiser elles-mêmes leur compétition. Donc là, c'est un très bon cas. On est ici au Stunfest, oui. C'est 3 Hit Combo qui organise effectivement la compétition. Et tous les mois, effectivement, vous avez les rankings. Vous pouvez effectivement. Et combattre. Puis on en a d'autres. La Gamers Assembly, qui est l'un des rassemblements les plus connus qui a lieu à Poitiers, et surtout l'un des plus anciens avec le Stunfest, puisque je crois que la Gamers Assembly a fêté sa 19e édition, sa 18e. Mais le Stunfest est vachement bien placé aussi. 14 ans. C'est déjà très impressionnant. Donc elle est organisée par une association qui s'appelle Futuro. Donc ça c'est le modèle associatif. Puis après on va rentrer dans un modèle plus privé où cette fois-ci il y a deux organisateurs potentiels et ça va plutôt correspondre à des compétitions professionnelles et internationales principalement. Où là c'est l'éditeur de jeu qui va organiser lui-même le circuit professionnel sur son jeu. Le meilleur exemple reste bien évidemment League of Legends avec Riot Games qui organise son circuit compétitif avec une saison qui est découpée en deux. Là, on est en plein milieu de saison au moment où on parle. Et puis, à la fin, on a les meilleures équipes de la saison régulière qui s'affrontent pendant des play-offs avec la meilleure équipe qui sera reconnue comme étant championne du monde. Ou alors, l'éditeur fait le choix de déléguer le circuit compétitif, l'organisation du circuit compétitif, à une société privée qui est spécialisée dans l'événementiel e-sportif. Et là, on l'a évoqué tout à l'heure, l'ESL, l'Electronic Sport League, par exemple, ou bien encore l'ESWC, en France aussi, qui est un acteur historique, qui est l'Electronic Sport World Convention, et qui a lieu dans plein de pays, dans plein de pays, mais dans plein de villes en France aussi, régulièrement, tout au long de l'année. Donc on voit qu'il y a plein de modèles qui coexistent, mais d'un point de vue très pragmatique, si moi je suis un joueur, et ben généralement, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de trouver une association, donc une équipe, une structure, mais associative. Et puis, on va se réunir dans un premier temps en vocal, on va s'entraîner ensemble en vocal. Et puis, à l'approche d'une compétition, ce qui est très commun maintenant, c'est tous les joueurs avec qui je pratique à distance, on va, une semaine avant la compétition, tous se réunir à un endroit, ce qu'on appelle un bootcamp. Et pendant une semaine, on va tous se coordonner ensemble pour se préparer à l'événement. Et puis, si on est les meilleurs... Eh ben, peut-être qu'après, on pourra intégrer des structures dites professionnelles, dans le sens où on pourra petit à petit être rémunéré pour cette pratique-là. Alors, je vais poser une dernière question, parce que je vois que le temps défile et que du coup, il va falloir quand même passer la parole au public. On a parlé effectivement de si je veux aller dans ma ligue d'e-sport du quartier, mais on n'a pas répondu à une question toute bête, mais qui sont les joueurs? Plutôt des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens riches, pauvres? Alors, il y a peu d'études sur les typologies de joueurs e-sportifs. On a des études sur les typologies de joueurs, mais sur les e-sportifs, c'est pas encore très démocratisé, on va dire. Moi, je m'appuie sur des travaux de recherche de collègues qui travaillent sur l'e-sport. Et de manière générale, alors encore une fois, c'est très schématique parce que bien évidemment, selon les genres de jeux, on ne s'adresse pas du tout aux mêmes populations. Mais si on devait dresser une photographie générale, on est plutôt sur une pratique extrêmement masculine. Malgré tous les chiffres qui peuvent être avancés, qui prétendent qu'il y a 25% de jeunes femmes qui pratiquent l'e-sport. Moi, sur mon terrain d'étude, c'était 5% de jeunes femmes et ça aussi entre 5 et 7% selon les différents types de jeux, de manière générale. Donc extrêmement masculine et... qui va être plutôt jeune, concerner ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire on va dire les 16-25 ans, pour prendre une fourchette un peu réduite. Mais bien évidemment, encore une fois, ça va dépendre des jeux. On va avoir, par exemple, les pratiquants de jeux de combat sont légèrement plus âgés. Parce que le jeu de combat existe depuis plus longtemps que les MOBA, et les, par exemple. Donc ça explique ça aussi. Et puis on va avoir des pratiques qui vont être plus féminines que d'autres. Parce que soit les organisateurs ont promu et développé des circuits compétitifs pour favoriser la place des femmes dans cette pratique-là, dans ces événements. Soit parce que c'est des jeux qui sont associés à une pratique plus féminine. Je pense notamment à Just Dance, qui est effectivement qui est pratiqué de manière compétitive lors de l'ESWC et qui accueille en termes statistiques bien plus de jeunes femmes que les autres jeux. Ce qui pose la question qui est très courante dans le sport de la non-mixité choisie. Ouais. C'est une question, c'est une problématique. C'est une vraie problématique. Aujourd'hui, la question de la féminisation de la pratique e-sportive, ou en tout cas de la place des femmes dans la pratique, elle est, à mon avis, centrale en termes d'enjeux sociétaux. Au-delà de même l'inclusion des femmes, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap, des personnes LGBTQ. Enfin, il y a vraiment une question de mixité sociale même qui est très importante. Aujourd'hui, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour favoriser et rendre la pratique plus féminine. En tout cas, encourager les jeunes femmes à pratiquer de manière compétitive. Et bien évidemment, ce qui est assez intéressant avec l'e-sport, c'est que c'est une pratique qui est mixte de base, c'est-à-dire toutes les compétitions sont mixtes. Et malgré tout, on observe qu'il n'y a que 5% de femmes. Donc il faut... Si en plus ça ne nécessite pas des compétences qui sont d'habitude très discriminantes pour les femmes, à savoir la puissance, la force, la vitesse par rapport aux jeunes garçons, c'est que donc les freins, ils sont autre part. Et s'ils ne sont pas physiques, moi mon hypothèse c'est qu'ils sont plutôt sociologiques, bien évidemment. Et donc là, il y a toute une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour encourager les jeunes femmes à pratiquer l'e-sport. Et notamment, en fait, il ne faut pas le voir seulement au prisme de l'e-sport professionnel. Et ça va partir finalement en fait du bas de cet échelon, et ça va partir de l'e-sport amateur et de l'e-sport de loisirs. Et comment est-ce qu'on fait pour massifier cette scène féminine? Comment est-ce qu'on fait pour, de cette scène qui va se massifier, faire émerger des talents, ces talents qui vont performer, et qui, puisqu'elles vont performer, elles vont devenir des rôles modèles et attirer finalement d'autres jeunes femmes à pratiquer. Et donc la question de la mixité ou de la non-mixité, elle se pose clairement. Et là, il y a aujourd'hui dans l'écosystème e-sportif ou dans la majorité des acteurs de l'e-sport, il n'y a pas de consensus. C'est un débat qui fait plus ou moins rage, entre guillemets, avec des partisans d'introduire des ligues exclusivement féminines qui n'empêcherait pas pour autant les femmes de pratiquer et de s'inscrire aussi aux autres ligues qui sont mixtes, mais pour en tout cas avoir des environnements qui soient sécurisants pour elles, dans lesquels elles puissent s'exprimer, dans lesquels elles puissent avoir envie de venir, ce qui leur permettrait de massifier cette scène, comme on le disait. Et puis, pour d'autres gens, ce serait une étape qui serait considérée comme un retour en arrière et qui serait plutôt un aveu d'échec. Moi, d'un point de vue personnel, je me positionne plutôt comme trouvant que mettre en place un maximum d'outils et de dispositions pour promouvoir la pratique féminine, et si la mixité doit passer par des ligues non mixtes, justement pour pouvoir favoriser l'émergence d'une pratique féminine, je pense que c'est une étape qui peut être nécessaire pour justement arriver à terme à cette mixité. En tout cas, on voit bien qu'il y a une demande, parce que finalement, les quelques ligues non mixtes qui sont proposées exclusivement féminines, eh ben, elles ont un vrai succès de la part des joueuses, c'est-à-dire que les joueuses s'y inscrivent bien volontiers, quoi. Et ça ne les empêche pas pour autant de participer à l'événement mixte juste après. C'était le cas par exemple pour l'Evo, qui est donc l'une des plus grandes compétitions, entre guillemets les championnats du monde de jeux de combat, qui en 2014 avait proposé une compétition féminine, exclusivement féminine sur Street Fighter, mais les jeunes femmes qui participaient à la compétition exclusivement féminine étaient presque obligé de participer aussi à la compétition mixte. Double dose, quoi. Double dose. On va passer aux questions du public, parce que, mine de rien, le temps défile, et sinon, on a plein d'autres questions, hein, mais voilà. Oui, nous avons une candidate. Oui. Bonjour. Donc, effectivement, moi, je suis, comme on l'entend, j'imagine, en tout cas, je suis une femme. J'ai 38 ans, donc je ne suis pas dans les plus jeunes. Et effectivement, j'ai pratiqué, et je pratique encore, mais plus en termes de compétition Street Fighter, donc Street Fighter 3-3 et Street Fighter 5 maintenant un peu plus. Et j'ai un double problème, c'est que non seulement effectivement c'est difficile parce que je suis une femme et qu'effectivement j'ai eu des réflexions, des choses qui n'étaient pas évidentes à gérer. Donc ça va parce que j'arrive à peu près à me débrouiller et que enfin, je ne le prends pas trop mal, mais au début c'était un petit peu étonnant pour moi. Mais en plus maintenant j'ai des soucis physiques aussi. Donc, en fait, si là, je ne m'inscris plus et si je me demande si, effectivement, pareil, en termes de handicap, parce qu'il y a vraiment des moments où je ne peux pas bouger comme j'aurais besoin, les doigts, etc. Et s'il y avait des... Parce qu'on a parlé tout à l'heure dans d'autres conférences de certains systèmes qui pourraient être mis en place pour avoir des manettes un peu adaptées ou des choses différentes. Et a priori, s'il y a des choses qui seraient interdites, ou en tout cas pas encore statuées sur ce qui serait accepté ou pas. Et du coup, c'est vrai qu'avec ces deux soucis, là, pour l'instant, j'en fais plus. Quoi. Je participe plus à des compétitions, alors que je trouve ça plaisant de se confronter aux autres. Et justement, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas vraiment de réponse, en tout cas par rapport à l'intégration déjà des femmes. Parce qu'effectivement, il y a différentes façons de voir. Et je trouve aussi, personnellement, j'étais comme toi, enfin, pas comme toi, mais je me disais le fait qu'on fasse une ligue spéciale juste pour les femmes, j'étais un peu contre. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Parce que je me dis qu'effectivement, si ça peut avancer les choses. Et puis, j'espère que si ça se met en place, qu'après, ça ne va pas juste rester justement enfermé dans cette voie-là, par contre. Mais déjà, ça serait, c'est intéressant, je trouve que ça se passe et qu'a priori, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui se sentent bien dans ces compétitions, donc c'est super. Et ensuite, donc voilà, je ne sais pas, par contre, pour ce qui est des dispositifs, effectivement, pour les personnes en situation de handicap, où ça en est, en fait, là-dessus. Ouais. Mais c'est des témoignages que j'entends souvent, ce que tu évoques. Alors, il y a des solutions, en fait. C'est ça qui est rassurant, en fait. C'est qu'il y a des solutions. On l'évoquait pour les femmes, c'est la mise en place de ligues exclusivement féminines. Mais elles offrent juste des possibilités multiples. C'est ça qui est intéressant, en fait, avec ces ligues exclusivement féminines. C'est qu'elles n'empêchent pas les jeunes femmes d'aller pratiquer quand même sur les autres tournois. Donc, je veux dire, c'est juste un ensemble de possibles plus large. C'est ça qui est intéressant. Et dans le cas des personnes en situation de handicap, aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus de solutions qui sont apportées. Alors, effectivement, tu évoques un point qui est assez intéressant, à savoir le fait que le matériel qui va être adapté aux personnes en situation de handicap souvent peut être considéré comme du matériel qui est proscrit, qui est interdit dans les compétitions de jeux vidéo. Mais là, ça nécessite en fait tout simplement juste de réfléchir, parce que les organisateurs d'événements, c'est eux qui mettent en place les règles du jeu. Il y a les développeurs qui mettent en place les règles intrinsèques du jeu, mais les règles de l'événement, c'est les organisateurs d'événements. Et donc, là, aujourd'hui, en France, on a de plus en plus d'associations qui sont portées sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la pratique du jeu vidéo, mais avec quelques-unes qui commencent de plus en plus à s'intéresser à la question de la pratique e-sportive pour ces compétiteurs et ces populations de compétiteurs. Et là, effectivement, en fait, il est tout à fait possible d'imaginer tout simplement des modèles compétitifs qui soient inclusifs, c'est-à-dire qui permettent de mixer à la fois personnes non handicapées et personnes en situation de handicap, avec des modalités en termes de possibilités de matériel autorisé qui soient beaucoup plus larges que ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que bien évidemment, pourquoi le matériel il est réglementé ? C'est parce qu'on craint la triche. C'est forcément ça. Mais ce matériel, il est contrôlé aussi en amont. Donc on peut très bien envisager de mettre en place des systèmes de compétition, des modèles de compétition qui vont permettre de brancher n'importe quel périphérique et que le matériel va juste être contrôlé en amont. Et l'idée aussi, dans un modèle compétitif inclusif, c'est de ne pas forcément penser qu'il y a un modèle professionnel avec que la performance, mais de chercher autre chose aussi dans la compétition que la performance, et de chercher justement un bien-être relationnel, de la sociabilité, des échanges, et de faire en sorte que ce soit un moment qui soit agréable pour pratiquer et pas forcément juste un moment où on ne va faire que performer. Et donc, en fait, une association comme Cap Game, qui est donc ici, fait énormément là en ce moment. En fait, pour teaser et spoiler un petit peu, c'est moi je travaille avec eux là en ce moment pour mettre en place une première compétition inclusive à la rentrée en septembre à Hermont-Aubonne. Il y a une LAN à Hermont-Aubonne qui a lieu en septembre, et on va mettre en place les premiers modèles compétitifs, et c'est totalement expérimental. Ça veut dire que là, l'idée, c'est pas à la fin de gagner ou de perdre, on s'en fiche, c'est juste on va mettre en place des tournois avec plein de modalités très différentes à chaque fois, et on va voir comment ça va se passer et quel va être le retour de la part des pratiquants, et on va voir ce qui va fonctionner et ce qui ne fonctionnera pas, pour ensuite, pour la Paris Games Week qui aura lieu en octobre, là cette fois-ci essayer d'identifier un ou deux formats qui fonctionnent bien, qui permettent de mettre en valeur la performance, mais aussi de faire vraiment de l'e-sport inclusif et de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place des événements qui soient plus récurrents pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. Et sur des jeux qui seront... Et là, l'idée aussi, c'est de sortir un petit peu des jeux qui sont, un petit, j'ai envie de dire, les plus populaires dans l'e-sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui sont plus accessibles que d'autres. Je parle en termes d'accessibilité dès le game design, déjà, de base. Un jeu comme Overwatch, par exemple, de base à 5 niveaux pour traiter le daltonisme, là où d'autres jeux en ont que 2, par exemple. Et puis ensuite, de réfléchir à... Il y a des jeux comme FIFA qui permettent de scinder la manette en deux, où il peut y avoir quelqu'un qui contrôle la partie gauche de la manette, quelqu'un qui contrôle la partie droite. Donc on peut très bien imaginer des modèles totalement coopératifs où une personne qui est non handicapée et une personne en situation de handicap contrôlent chacun la même manette et chacun une partie de la manette. Des gens qui contrôleraient avec les pieds, des gens qui contrôleraient avec la bouche. Bref, il y a plein de modèles à imaginer et puis on va voir ce qui va se passer. Une autre question dans le public ? Si on veut faire le parallèle entre sport traditionnel et émergence de l'e-sport, il y a aussi la question du sport loisir et du sport compétitif et de la professionnalisation du sport qui n'est pas toujours humainement une grosse réussite. Est-ce que ces questions-là, elles se posent aussi et est-ce que valoriser l'e-sport, c'est-à-dire la compétition mise en scène, c'est pas un risque de favoriser une certaine idée de la pratique du jeu, qui est une pratique compétitive, monétaire, rentable, là où on a aussi des pratiques sociales, comme on peut avoir des gamins qui font un foot dans la cour de récré, quoi. Et j'ajouterais après, mais je pense que c'est à la dernière partie de la question, c'est qu'ont changé les dernières lois par rapport à la professionnalisation de l'e-sport. Alors je vais essayer de faire synthétique, mais comme tu peux le voir là sur ce schéma, donc ça c'est les différentes formes de pratiques. Disons que là ce qui a tendance à apparaître avec ce phénomène de professionnalisation de l'e-sport qui est lié donc à la popularisation de l'e-sport notamment et à l'apport de nouveaux investissements qui sont qu'on appelle de non endémiques, c'est-à-dire qui viennent pas du monde du jeu vidéo et qui en fait sont des investissements que l'e-sport n'a jamais connus en termes de finances, de montants financiers. Quand un BMW investit dans l'e-sport, c'est face à historiquement un Logitech. Logitech, quand il donnait 50 000 euros, c'était super. Et BMW, ils mettent 15 millions. Quoi. Donc on est sur des sommes qui changent tout et qui participent à cette professionnalisation. Et là où je te rejoins totalement, c'est que la professionnalisation, elle a tendance, à mon avis, à dénaturer la pratique historique de manière générale. Et c'est pour ça que moi, je parle bien de pratique à la fois compétitive, mais aussi de pratique loisir. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pour moi, jouer à FIFA en rentrant du boulot avec un pote, bah on est déjà dans de l'affrontement vidéoludique et on est déjà dans une forme e-sportive sans même que les gens le sachent, mais ils sont déjà en train de faire de l'e-sport, mais de loisir. On est en train déjà de s'amuser tout en s'affrontant. Et il y a plein de, et c'est ça qui devient intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour promouvoir ce type de pratique-là et pas forcément une pratique hyper professionnalisante et qui entraîne forcément des enjeux financiers suffisamment importants pour qu'il y ait des dérives qu'on va retrouver, enfin qu'on a déjà dans le sport. On l'évoquait tout à l'heure, le dopage, les paris truqués et ainsi de suite. Et donc bien évidemment aujourd'hui l'enjeu c'est de savoir comment est-ce qu'on structure cet écosystème amateur, comment est-ce qu'on structure cette pratique de loisir, parce que finalement il y a une vraie tendance à l'élitisme en fait dans l'écosystème e-sportif, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment dans le monde professionnel de l'e-sport ne considèrent d'e-sportif que le monde professionnel et tout ce qui est autour c'est pas de l'e-sport, c'est du gaming, alors qu'en fait finalement c'est juste une forme d'élitisme et de condescendance par rapport aux autres pratiquants que je trouve assez abject en fait, même pour te le dire très clairement. Et moi c'est un vrai plaidoyer là, hein, que je suis en train de faire. C'est pour moi enfin, l'e-sport professionnel, c'est comme dans le sport professionnel, c'est seulement la partie immergée de l'iceberg. C'est une minorité, ça concerne en France des joueurs professionnels français qui ne sont à la fois sur le sol français, mais pas sur le sol français également. C'est 150 joueurs. 150 joueurs et des pratiquants, selon les estimations, il y en a entre 400 000 et 850 000 en France, e-sportifs. Je veux dire, on parle de 150 joueurs. Et là, pour enchaîner avec cette question sur la loi République numérique et notamment les deux décrets d'application qui en ont découlé, donc la loi République numérique qui a permis de rendre légales les compétitions de jeux vidéo et de reconnaître les compétitions de jeux vidéo, puisque pour la faire très très courte, en gros... Jusqu'à présent, avant ça, c'était dans la limite, en tout cas. Et c'était complètement dans la limite. En fait, ça a commencé notamment en 2012, lorsque dans les critères de définition des loteries, ils ont enlevé la notion de hasard. Et donc à partir de ce moment-là, beaucoup d'activités pouvaient rentrer dans cette appellation loterie, et notamment l'e-sport. Et le problème, c'est que les loteries en France, elles sont régulées par l'ARJEL, donc c'est toute une régulation très spécifique. Et donc, au moment de la loi République numérique, en fait, il y a eu une consultation publique et les acteurs de l'e-sport français ont dit « Mais nous, on est quand même assez éloignés des loteries, il faudrait quand même nous créer un cadre qui soit un petit peu particulier. » Donc, la loi République numérique a permis de faire sortir l'e-sport de l'illégalité. Alors, il y avait une tolérance, bien évidemment, mais c'était quand même un statut qui était très inconfortable pour les organisateurs d'événements. Et ont découlé un an après, donc en juillet 2017, deux décrets d'application. Un premier décret d'application sur l'organisation des compétitions de jeux vidéo, qui est donc cette fois-ci encadré par le ministère de l'Intérieur, comme la plupart des événements culturels, bien évidemment. Et puis, une vraie avancée, et qui est la première fois dans le monde, c'est un statut de joueur professionnel totalement emprunté et mimé sur le statut et le contrat de sportif professionnel, qui là, cette fois-ci, a permis... Alors, les premiers contrats vont être émis seulement là, maintenant, donc il aura fallu un an. Parce qu'en fait, c'est pour pouvoir émettre ces contrats, il faut déjà que la structure qui veuille émettre ces contrats soit agréée par le ministère de l'Économie et des Finances dans un premier temps. Donc il a fallu faire des demandes d'agrément. Puis une fois que les demandes d'agrément ont été promulguées pour certaines de ces structures, pour pouvoir émettre un contrat, le contrat de joueur professionnel qui est emprunté donc au contrat de sportif professionnel est dépendant des saisons, des saisonnalités. Or, si dans le sport, les saisons sont à peu près identiques, on va dire, même si elles évoluent, hein, la saison entre la saison de ski et la saison d'athlétisme, c'est différent. Mais bah, bref, on a la même chose dans l'e-sport. Une saison de League of Legends et une saison de Street Fighter, c'est pas les mêmes. Et donc là, ça nécessite, puisque les jeux vidéo sur lesquels on pratique l'e-sport sont des biens privés qui appartiennent, dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs, c'est aux éditeurs de définir quelles sont leurs saisons. Et donc là, il a fallu attendre que les éditeurs émettent leur date de saison. Il y a eu des arrêtés qui viennent juste d'être signés par Mounir Majoubi là dernièrement, qui ont enfin donné ces saisonnalités, et les premiers contrats de joueurs professionnels devraient apparaître là. Donc, qu'est-ce qui permet ces contrats de joueurs professionnels? Parce qu'il faut bien comprendre à quoi ça sert. C'est que ça permet une sécurité de l'emploi et enfin, surtout une protection des joueurs. C'est-à-dire qu'en étant salarié d'une structure e-sportive, ils cotisent au chômage, ils cotisent pour leur retraite, ils ont la sécurité sociale, ils ont une sécurité de l'emploi qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils faisaient de la prestation de service pour leur structure. Et puis surtout, ce contrat, comme pour les contrats de sportifs, il permet à des mineurs entre 16 ans et 18 ans d'avoir une vraie protection également. C'est-à-dire que là, enfin, un joueur de 16 ans, il n'est pas juste exploité entre guillemets par sa structure, mais en plus, il a un vrai contrat. Et ça, c'est aussi rassurant pour les parents. Donc on voit que ça a été une vraie avancée. Mais elle ne concerne qu'une minorité de gens. Là, aujourd'hui, le vrai enjeu, il se situe au niveau de l'e-sport amateur et de cette pratique de loisirs qu'il faut promouvoir. Et ça engage forcément une réflexion sur... Comment est-ce qu'on encadre cette pratique-là, la formation des formateurs? Qui est habilité à dire « je suis entraîneur e-sportif, je suis manager e-sportif, je suis éducateur e-sportif, animateur e-sportif » Et là, bah, dans le sport, on a des diplômes spécialisés. D'habitude, c'est les fédérations qui dispensent des diplômes fédéraux pour pouvoir être entraîneur, ou alors des diplômes, cette fois-ci étatiques, qui sont des diplômes comme le BPGEPS, qui permettent avec des spécialisations. Et là, il y a toute une réflexion que France e-sport est en train de mener pour créer un BPGEPS, justement, sur les pratiques vidéoludiques. Et ce qui permettrait enfin de pouvoir, dès 12 ans, 13 ans ou 14 ans, que les parents puissent dire bah, « Moi, mon enfant, il joue beaucoup aux jeux vidéo, j'aimerais bien que ça soit un peu mieux encadré. Bah, » Là, j'identifie autour de chez moi, dans ma commune, où est-ce qu'il y a des associations, et dans cette association-là, de la même manière qu'il y a dans le sport, on envoie son enfant et on est sûr que pendant 2 heures, il a une pratique encadrée, rationnelle, avec quelqu'un qui est spécialisé, au-delà d'être spécialisé sur le jeu vidéo, mais qui est aussi spécialisé sur les interactions avec des populations fragiles comme les plus jeunes. Alors, on a beaucoup dépassé le timing. Est-ce qu'il y a le temps ? Toute dernière, toute petite question ou pas ? Je regarde le maître du temps. Ok. Une toute petite, plus une réflexion en fait, pour avoir ton point de vue. Aujourd'hui, si jamais j'ai un ballon de basket, je peux créer mon propre club de basket, je suis dépendant de personne, je peux éventuellement même monter ma ligue si j'ai envie et faire ma propre compétition. Là, si jamais je veux faire de l'e-sport, je suis effectivement contraint par l'éditeur et par ce qu'il va développer. Et ce qui serait intéressant aujourd'hui, d'avoir des structures assez solides et assez grosses pour pouvoir contraindre l'éditeur à dire non, nous on a décidé de jouer sur cette version et vous ferez ce qu'on a décidé parce que la compétition se jouera là-dessus. Ou est-ce que si jamais on contraint trop l'éditeur, on ne l'empêche pas là de créer quelque chose de neuf parce qu'on va finalement lui fixer des règles en disant c'est comme ça et pas autrement. Quelle est la limite à ton avis pour toi ? Moi je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un rapport de force avec l'éditeur parce que la propriété intellectuelle c'est un fait, elle lui appartient de base. Ça veut dire on peut chercher tout ce qu'on veut. Je veux dire, c'est comme se demander est-ce qu'on doit se dire si on a quatre membres nous les humains ? Bah ouais, c'est factuel, on a quatre membres, c'est comme ça. Et l'éditeur, il est le détenteur de cette propriété intellectuelle. Donc ce que aujourd'hui, la grande singularité de la France par rapport à tous les autres pays du monde, et la France est pionnière à ce niveau-là, c'est que l'association France eSport réunit au sein qui n'est pas une fédération, qui est vraiment une association, mais qui a volonté à fédérer et à rassembler tous les acteurs. Et c'est la seule au monde, même la Corée du Sud, qui est pourtant réputée comme étant le modèle à atteindre, c'est la seule à réunir les créateurs de jeux, donc les studios de développement et les éditeurs de jeux sur la table, enfin autour de la table, sur toutes les décisions qui sont prises. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire qu'on co-construit. Ça veut dire à la fois les joueurs, à la fois les promoteurs, c'est-à-dire les organisateurs d'événements, les médias spécialisés, les structures, les équipementiers et les éditeurs. On co-construit ensemble l'e-sport dont on veut sur le territoire. Et ça, c'est une vraie spécificité. Et je pense que c'est principalement dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire prendre les décisions ensemble et y réfléchir ensemble. Et la loi République numérique et les deux décrets d'application, ils ont été faits avec les éditeurs. Et aujourd'hui, on le voit bien, parmi le conseil d'administration de France eSport, il y a l'un des éditeurs qui est pourtant l'un des plus décriés sur le contrôle qu'il peut avoir sur son jeu, qui est Riot Games. Et Riot Games, on peut reprocher beaucoup de choses à Riot Games, mais par exemple, c'est l'un des seuls éditeurs aujourd'hui qui a compris que développer l'écosystème amateur était vraiment très important, et surtout qu'il n'avait pas la connaissance de Los Angeles pour développer un écosystème amateur selon les singularités culturelles de chaque pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ouvrent des bureaux dans chacun des pays et ils réfléchissent à comment prendre en considération chaque singularité culturelle pour développer de la meilleure manière cet écosystème amateur. Et donc, aujourd'hui, Riot Games en France, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu que la spécificité française, c'était d'avoir un circuit de LAN qui était extrêmement riche, extrêmement fourni historiquement. Et donc, ils ont dit, nous, on va développer cet écosystème amateur pendant les LAN. Donc, on va s'appuyer sur des compétences spécifiques françaises pour développer notre écosystème amateur. Mais ils ont fait la même chose en Turquie, c'est-à-dire ils ont ouvert un bureau en Turquie, mais en Turquie, ils ne font pas de LAN. Donc ils sont obligés de penser à un autre modèle. Puis ils font la même chose en Espagne, et puis ils font la même chose en Grande-Bretagne. Et à chaque fois, ce n'est pas les mêmes modèles qui émergent. Ils réfléchissent à d'autres façons de faire. Mais en prenant en considération ce qui fait la spécificité e-sportive du pays. Et c'est là où ils sont assez pionniers. Et donc aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises chez France eSport sont prises d'un commun accord avec, je te disais, les joueurs, les promoteurs et les éditeurs. Et ça, c'est certainement l'un des modèles à terme qu'en tout cas, chez France eSport, nous pensons qu'il devrait être développé dans les autres pays du monde. On parle effectivement d'enjeux des éditeurs et il y a quelque chose qu'on ne peut pas ne pas mentionner. Quitte à parler d'e-sport, en tout cas en France, on a un certain nombre d'acteurs qui possèdent en tout cas des équipes, qui possèdent des médias, qui possèdent... Qu'en pensez ? Parce que, en tout cas, nous, à 3X, c'est une vraie interrogation sur travailler avec ces gens-là, pour qui, pourquoi. Ouais, je pense qu'on peut mettre un nom sur Webedia, notamment. Je ne peux pas commenter. Je ne peux rien dire. Bien sûr. Non. Voilà. Je me demande, on est peut-être l'un des seuls secteurs dans le secteur e-sportif où personne se dise, mais ça c'est un monopole et c'est totalement interdit. Je trouve ça assez incroyable. Donc, pour bien expliquer, Webedia, ils ont une verticale ils détiennent à la fois des équipes, ils détiennent des agences de joueurs, donc ils sont agents de joueurs, ils détiennent des organisateurs d'événements, ils détiennent des plateformes qui permettent donc tournaments qui permettent de mettre en ligne les scores, ils détiennent des médias pour pouvoir médiatiser. Jeuxvideo.com pour ne pas le citer. Ouais, et puis même Millennium et ainsi de suite. Donc voilà. Bref, ils ont un contrôle total, ce qu'on appelle une verticale. Qu'en penser alors attention, je vais le dire. Webedia est membre fondateur de France eSport. Donc je veux dire, en prenant, je vais pas pouvoir non plus être totalement critique complètement, mais bien évidemment que ça soulève des questions parce que de manière générale, un monopole est pas bon pour un écosystème et pour un secteur d'activité. Et bien évidemment que je pense que à terme, en fait, c'est compliqué parce que ce monopole a permis quand même de faire avancer pas mal de choses dans l'e-sport, et ça a permis notamment en France de faire des événements qui ont été suffisamment marquants et qui ont fait beaucoup de bien aussi à l'e-sport. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de laisser la place à d'autres acteurs, et à d'autres organisateurs d'événements, à d'autres médias, de leur laisser de la place pour pouvoir eux aussi offrir une diversité de regards et de pratiques et d'organisation d'événements. Et là, d'un point de vue strictement personnel, et je ne dois pas m'exprimer au nom de France eSport à ce moment-là, mais bien évidemment que je suis plutôt pas très favorable à ce type de vertical et à ce type de phagocytage finalement de tout l'écosystème par une seule et même structure et entité, quoi. C'est je pense que c'est plutôt préjudiciable à terme pour l'écosystème. Dans un premier temps c'était intéressant, mais aujourd'hui maintenant il faut laisser de la place, c'est évident, quoi. Eh bien, merci pour cet éclairage sur le thème de l'e-sport. Je pense qu'on peut applaudir donc Nicolas Bézombe, docteur en sciences du sport. Merci beaucoup. Voilà, c'était Ludologie enregistrée dans le cadre du Stunfest 14e édition en ce mois de mai 2018. Une rencontre animée par Adrien Bibard avec Nicolas Bézombe, docteur en sciences du sport. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode de Ludologie. En attendant, vous le savez déjà, n'oubliez pas de jouer. Thank you.